automatiquement, qu'il se passe n'importe quoi dans notre vie, c'est sans importance. Si tu ne rentres pas dans la conscience, là, c'est un autre pays de manche. Là, c'est bon que tu saches ce que c'est la peur. Mais si tu rentres dans la conscience, tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est la peur. Tu vas le savoir, mais tu le vis. Mais c'est la peur qui arrive des choses. Quelle chose? Je sais pas. La peur qui arrive des choses provient du fait que tu anticipes que des choses arrivent. Tu ne sais pas s'il y a des choses qui vont arriver. Savoir. Je sais pas. Mais mec, arrive, tu vas voir, avec la conscientisation, tu vas voir comment tu peux passer à travers. Mais ensuite, il y en a d'autres qui arrivent. Puis éventuellement, tu n'as plus peur de rien. Mais c'est pas en t'expliquant la peur que tu vas pouvoir dépasser. Qu'est-ce que c'est, ça? À un moment donné, j'étais couché, puis j'avais une sensation d'être en deux jours. Puis, tout tournait comme si mon corps tournait comme une pipi. Ouais. Puis, je voulais crier, je voulais me sortir de ça, puis j'étais pas capable. Ouais. Et à un moment donné, c'est blessé. Ouais, c'est blessé. Ben ouais. Ouais, mais si ça se faisait encore la soirée, vous auriez peur encore, puis éventuellement, vous auriez plus peur. Ben. Fait qu'à ce moment-là, vous sortiriez. C'est le même. Mais quand même, vous expliquez qu'est-ce que ça a peur, ça va rien changer. Vous allez tourner pareil. Vous n'avez rien à dire? Vous n'avez rien à faire. C'est avec le temps. Avec la conscientisation, vous perdez la crainte parce qu'avec la conscientisation, l'ego se détache de la personnalité. Quand votre ego va détacher votre personnalité, vous n'aurez plus peur. Que vous tourniez comme une toupie ou non. Vous n'aurez plus peur. La conscientisation élimine tous les traumatismes qui existent dans l'ego à cause de la personnalité qui est insuffisante parce qu'elle n'est pas nourrie par l'esprit. Une fois que la personnalité est nourrie par l'esprit, ces traumatismes-là n'existent plus. Moi, il y a des gens qui se matérialisent chez nous dans la nuit, à tous les soirs. On s'assied et on se parle. J'ai plus peur. La conscientisation. Mais avant, je ferais descendre en bas pour prendre une chiclette. Est-ce qu'il y a des gens qui se matérialisent chez nous? Voir des gens que tu rencontres de route? Non, non, du monde, pas de ce principe. Non. Mais j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? J'aurais moins peur de ça que de me faire tourner comme une petite. Mais j'ai pas de contrôle, genre. Ouais. Mais si quelqu'un me vient aujourd'hui, ben, on dort. Ouais, vous verrez, en même temps. Non. Dans ce qu'on me parle. Vous saurez me le dire. Vous saurez me le dire. Absolument. Je vais vous expliquer quelque chose concernant la peur. La peur provient du manque de l'expérience occulte de l'homme. La peur provient du fait que l'homme ne connaît pas les lois des mondes invisibles. Si l'homme connaissait les lois des mondes invisibles, il n'y aura pas la crainte, la peur, parce qu'il les connaîtrait, les lois. C'est parce qu'on ne connaît pas les lois. Mais quand l'homme se conscientise et qu'il commence à connaître et à comprendre les lois des mondes invisibles, la peur est aussi étrangère à lui qu'à un petit enfant. Parce que quand tu te conscientises, tu sais que tu n'es plus affecté par la mère. Moi, il n'y a pas un être qui peut venir chez nous pour essayer de me... Je sais pas comment vous appelez ça, vous autres. Fait que... Tu vis pas dans la crainte. T'es toujours à l'aise. Mais, c'est l'ajustement des corps qui t'amène là.

Y en a-tu parmi vous autres qui commencent à pas se sentir dans la personnalité? Ça va gagner pas gros. Y en a-tu qui... OK. À un certain moment, t'es beau, t'es fin, t'es ci, t'es ça, t'as des défauts. Y en a-tu qui commencent à sentir qu'ils n'ont pas de défauts et qu'ils n'ont pas de qualité? Il y en a-tu qui commencent, au moins? Il y en a qui commencent. Ah, mais si vous commencez, mais vous commencez à rentrer dans la phase qui vous amène à ne pas sentir votre personnalité. Allô, vous voyez? C'est la phase qui vient, ça. Définitivement, on se voit différent. Ouais. Puis éventuellement, tu ne te vois plus. Tu te vois tellement différent, des fois, tu ne te comprends pas. Tu réagis plus à des choses comme tu réagissais. Si vous commencez, ceux qui commencent à pas sentir de défauts et de qualité, là c'est un signe. Vous entrez. Parce que le stage après, c'est que tu vois pas ta personnalité. Ouais. Là, tu commences à être. Là. Tu commences à être. T'es drôle des mots, hein? Aïe. Y en a-tu qui ne me comprennent pas? Des fois. Des fois. Ouais, des fois, c'est correct. Mais y en a-tu qui ne me comprennent pas? Je mange un peu de bon. Ben, vas-y. Il y a trois quarts du temps, tu ne me comprends pas. Peut-être pas intelligent. Fasciné. Peut-être qu'un jour, tu me comprends. Tu me comprends-tu, toi, Mélie? Comprends. Y en a-tu d'autres qui ne comprennent pas? Ça va venir, c'est ça. Pourtant, je suis sain, comprends. C'était un. C'était un. Ouais. Tu peux pas répondre à une question de même. Ouais. Tu comprends tout. C'est bien sûr que. Je défie quelqu'un qui sort d'ici, moi, puis de reprendre mot à mot que tu dis, puis de. Ouais, mais c'est pas ça, me comprendre. Me comprendre, c'est me comprendre. Mais quand tu poses des questions de même, les gens, ils disent. Ouais, ouais, vous n'êtes pas venu me répéter, me comprendre. Ouais, il y a des moments, il y a un moment donné, tu peux aller, puis. Tu passes, tu vas faire rien, c'est une balle, je repose, je l'envoie, tu sais. Ça, il y a quoi de rien comprendre? Mais ça, c'est pas souvent. Tu parles, c'était tellement des fois qu'on comprend avant qu'on fait l'entendre bien, par exemple. Ouais. C'est sûr qu'on comprend. Ouais. C'est ça. C'est quand tu parles, là, c'est compréhensible, puis tu le vois au niveau, disons, l'image, la parole que tu dis, là. Et, demi-heure après, tu vas essayer de le parler. Voilà. Ouais, ça c'est normal. Ça. Mais tu le vois. Ouais. Quand tu parles. Ça se tient. Ouais, ça se dans l'esprit, ça se tient. Ouais. Tu nous vois l'esprit. J'ai l'écoute, c'est facile. D'autres goûts, c'est moi, c'est plus difficile. Ouais. Des fois, tu sors des affaires, c'est comme les théorèmes contre les schémas. Tu essaies de faire passer les tailles dessus. Ouais. Tu t'es rendu plus loin. Ouais. Tu peux t'en faire des goûts parce que tu essaies de réserver ce que tu l'as dit. Ouais. Ouais. Ça, je dis, tu peux pas entendre, c'est comme j'ai dit pour le voisin. Ouais. Ça, je veux faire que plus, il lui a parlé. Guy, il reste près de chez vous? Lui, il me comprend, lui. Ah, ce qui est, Guy? Yeah. Lui, c'est extraordinaire. Ah, ouais. Ça, que je me fiche sur lui. Ouais. Ah, je mettrais mon 30 sur lui, n'importe quand. C'est drôle, parce qu'il est sous d'un oreille, puis il comprend pareil. Il me comprend? C'est extraordinaire. Ah oui, tout à l'heure, quand il a repris ta pensée, là, ouais. Il a détruit aussi. Ouais. Ça arrivait comme ça. Ouais. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait des gens comme ça parmi nous autres, parce qu'un jour, ces gens-là seront là pour vous donner un coup de main si vous avez besoin d'un coup de main. Parce que Guy explique les choses d'une façon différente de la tienne, dans le sens que on a eu une petite rencontre il y a pas longtemps. Ouais. Et puis je pense que il s'adresse surtout, je dirais, à notre intellect. Ouais. Je sais pas si le mot est juste, mais en fait, ouais. C'est bien, bien différent. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Parce que tout ce que tu dis, la majeure partie du temps, ça s'adresse pas à notre intérêt. Ouais. On s'en rend compte, puis on essaie d'analyser, de synthétiser, enfin tout ça. Là. Ouais. Moins tu arrives à quelque chose. Ouais. Mais lui, il vous ramène ça. Serein, ouais. Ben, c'est probablement le genre de travail qu'il y a à faire, j'imagine, pour ouais. lui. Ouais. Et maintenant, quand tu dis... Moi, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, tu me comprends, hein? Il dit oui. Puis ça n'a pas longtemps, je l'ai rencontré à l'école là, là-bas. Là. Comprends? Puis moi, je sais quand les gens me comprennent. Pourtant, c'est simple. On peut pas comprendre la mort sans être capable de le réexpliquer après parce qu'on le réexplique. Ouais, mais non, vous n'avez pas de C'est intérieur. On se sent bien avec ça, c'est ça de comprendre, c'est se sentir bien avec ça, c'est ça. C'est individuel. Toi, tu peux me comprendre d'une façon, l'autre va me comprendre d'une autre façon, l'autre d'une autre façon, mais vous comprenez tout pareil. C'est ça. Oui. Vous me comprenez, vous? Vous? Comprenez. Ça doit être le fun de me comprendre, parce que moi, je me comprends pas. Faut que je m'écoute. Si je m'écoute, c'est intègre, là, je me comprends. Tu sais, je dis, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Mais quand je parle trop vite, j'ai pas le temps, j'ai plus de réflexion, fait que je peux pas me comprendre. Je parle du final, ça s'en va par là. Mais quand je m'écoute, c'est intègre, là, je me comprends. Je trouve ça intéressant. Ouais. Tu parlais du moment passé qu'il va y avoir un changement que je dois avoir important qui s'en vient là. C'est à quelle échelle ou à quelle minute de ce qui est. Vous ne réaliserez pas. C'est trop interne. Mais tu veux dire pour la masse des gens qui étaient. Ouais. Ceux qui étaient. La conférence est très belle. C'est intérieur, ça. Vous me comprenez-vous? Ouais. Vous? Comprenez-vous? Oui. Comprenez? Vous aussi, vous comprenez? Facile à comprendre, hein? Tout bon. Puis il dit que je suis facile à comprendre. Il dit que je suis facile à comprendre. Vous, me comprenez-vous? Ah, c'est clair. C'est clair, clair. Puis il est comique, lui. Parce que lui, il me comprend pas comme vous autres, vous me comprenez. C'est tout un autre patron. C'est tout un... Là, il y a une autre tuyauterie. Il m'en tient. Toi, tu commences à me comprendre pas mal, hein? Tu comprends, c'est une chose. Mais il y a quelque chose qui est intérieur à moi. Ouais. J'ai beaucoup d'émotions. Ouais. En même temps, je ne vis pas continuellement les émotions. Mon intelligence n'est pas toujours bloqué par l'émotion. Ouais. Mais je ne dis pas. C'est ce truc-là que j'ai de l'hiver. Mais depuis le temps, ça s'éclaircit de plus en plus. Ouais. Moi, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire comprendre quelqu'un, puis j'ai bien de la difficulté à comprendre ça. Si tu me parles, toi, là, quand tu me parles, là, souvent tu me parles, ouais. Je te comprends. Mais c'est pas que je te comprends. C'est que je prends tout ce que tu me dis et je le mets dans moi. Mon intellect ne bloque pas avec ce que tu dis. C'est pour ça que je te comprends. Si mon intellect rentrerait là, je ne comprendrais pas parce que j'essaierais de te comprendre. On a-tu ce que je veux dire? Ben, c'est ça, nous autres, on le fait. C'est ça que vous faites, vous autres. C'est ça que vous ne comprenez pas. On comprend, des fois, on comprend. Ouais. Hein? Ouais, ça marche, hein? Mais on a fait plutôt d'écouter que de comprendre. Ouais, écoutez. Ouais. Ouais. Plus ça va, moi, j'écoute plus que comprendre. Ouais. Il y a une différence entre te comprendre et savoir ce que tu dis. Me comprendre ou savoir ce que je dis? Savoir que c'est ce que, c'est que ça veut dire. Que... Ah, il n'y a pas de différence. J'ai toujours l'impression que te comprendre, mais je ne suis pas toujours sûr de savoir ce que je dis. Ouais. Oui, comment l'interpréter? L'interpréter. Tu dis que les esprits sont pas nés. Parce que je vais le développer. Ouais. Ça, on sait si ça développe. Ouais. On se casse pas la tête. Ouais. Il y a une suite à ça. Il y a toujours une suite. Suite la semaine prochaine. On peut pas tout saisir d'un coup. Je peux pas développer. Je peux pas développer avec vous autres. Il y a trop de choses. Tu sais, c'est infini. Fait que je parle un petit peu de ça, puis ensuite je reviens un petit peu de ça, puis je le développe, puis je vais à une autre affaire, puis je développe. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il dit, il faut qu'on se détache de connaissances pour entrer dans la vibration, puis je développe vraiment. Bon, si tu as une route, si tu t'en vas sur une route, qu'elle soit 10 000 ou 100 000, comment tu marches dessus? C'est un petit peu de même. Mais l'instruction que tu lui donnes, elle s'arrête au moment où nous autres mêmes, on peut la voir nous autres mêmes. Ouais. À ce moment-là, on est en attente, simplement. C'est ça. Si tu nous parles d'une route de 20-20 ans, tu nous expliques tous les détours, on va retenir ceux qui sont proches de qu'est-ce c'est qu'on... C'est ça, exactement. Après ça, on voit les grosses courbes, les grosses montagnes que tu nous as Ouais. Ça, je dis, dans ce temps-là, c'est pas important. Ouais. Un jour, ça va être important. T'sais. Ça, il va en avoir d'autres plus loin, il va dire, c'est pas important. Ouais. Aujourd'hui, on comprend pas, puis une couple de jours, le mot. Roger. C'est pas mal moins décourageant. Je vais faire comme Johnny Carson. Oh, ça, c'est quand je commence au programme. Ah, c'est bien fun. Mais moi, j'aime ça savoir si les gens me comprennent. Comme Croteau, il me comprend. C'est fait que pour moi, ça devient une relaxation. Là, je peux dire à Croteau qui c'est qui m'a dit, là, il me l'explique. Tu vois? C'est le fun. Toi, tu me comprends. C'est pas ça que je dis. Toi, tu me comprends. Tu me comprends. Ouais. Bon. Il y a une affaire, ça. Tu me comprends. Mais tu ne comprends pas encore assez.